L'actualité à Nancy et ailleurs. À quelques mois des élections européennes, un concours photo vidéo GIF est lancé sur le thème « Quelle est ton Europe ?». Sophie Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission Europe Direct qui porte ce concours. Alors expliquez-nous un peu à qui s'adresse ce concours et en quoi il consiste. Alors c'est un concours qui s'adresse aux jeunes de Lorraine, qui résident en Lorraine et qui ont entre 16 et 25 ans. Et c'est un public cible parce que justement, vu les élections européennes qui vont arriver en mai prochain, on aimerait sensibiliser les jeunes, les primo-votants, à se manifester, à donner leur opinion, leur vision de l'Europe. Et donc ce concours, avec des photos, des courtes vidéos ou des gifs, leur permet en fait juste de donner une image de l'Europe qu'ils ont et de s'investir un petit peu dans cette création de l'Union européenne. Effectivement, ça va être la première fois qu'ils vont pouvoir s'exprimer sur l'Europe. Oui, oui. Et puis, il y a beaucoup d'autres moyens de s'exprimer sur l'Union européenne. Il y a des consultations en ligne, il y a des débats citoyens qui ont lieu. Mais c'est vrai que pour les jeunes, c'est toujours un peu plus facile de passer par des outils qu'ils ont l'habitude de manier, tels que prendre des photos avec les smartphones, faire des petites animations, c'est assez attractif. C'est la première fois que c'est organisé un tel concours ? Sur le mode-là, oui, c'est la première fois qu'on l'organise. On l'a fait en partenariat avec l'Europe Direct de Sarrebruck en Allemagne pour aussi jouer sur la carte du transfrontalier et de montrer que l'Europe, c'est aussi nos voisins qui sont juste à côté. Alors, vous représentez Europe Direct, l'association Christelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi votre rôle précisément ? Oui, donc Christelle, c'est une association qui travaille sur les échanges européens en Lorraine et le label Europe Direct est attribué par la Commission européenne pour justement sensibiliser les citoyens, toutes les personnes au fonctionnement de l'Union européenne et répondre aux questions des citoyens pour essayer de les entraîner et d'être actifs dans la construction européenne. Voilà, association Christelle, on vous trouve à Nancy ou précisément ? Oui, à Nancy, donc 95 rue de Metz, dans les bâtiments du Canopée. Donc on a un bureau et un espace de documentation où les gens peuvent se servir librement et nous rencontrer. Alors pour revenir maintenant plus sur le concours, vous avez expliqué donc c'est sur cette thématique, quelle est ton Europe ? On a jusque quand pour participer ? Jusqu'au 10 novembre. Jusqu'au 10 novembre, donc si on a entre 16 et 25 ans, on n'hésite pas, on retrouve toutes les infos sur le site de l'association Christelle. Oui, tout à fait, Christelle, christelle.fr. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Est-ce que c'est un concours ? Eh bien, oui, c'est un concours, et donc il y a des prix qui sont attribués avec un jury qui choisira les créations les plus inspirées. Avec le premier prix, ce sera d'une valeur de 100 euros, donc en chèque ou en chèque cadeau. Et que deviendront les œuvres qui seront gagnantes après ? Elles seront présentées. Alors après, on espère effectivement pouvoir utiliser les œuvres pour faire soit des expositions, soit relayer les gagnants sur notre réseau Europe Direct et donc les mettre en avant pour promouvoir aussi et inciter les jeunes à se mobiliser lors des élections européennes. Voilà, donc si vous avez entre 16 et 25 ans, et bien exprimez comment et pourquoi l'Europe est importante pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup Sophie Dumas. Avec plaisir. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.